Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la chirurgie par temps de robots. Pendant très longtemps, les chirurgiens se sont servis de leurs mains pour opérer des personnes meurtries par le mal, pénétrant dans l'intimité la plus profonde de leur corps. Aujourd'hui, nombre d'entre eux manipulent des joysticks sans approcher de la table d'opération. Ainsi est-on passé d'un mode de la médecine à un autre. Le nouveau déborde d'inventions qui déferlent en vagues successives, de plus en plus rapprochées, et transforme le chirurgien en joueur de console Nintendo. Mais quelles sont les limites de la robotique médicale et de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine? S'agit-il seulement de soulager et de réparer celles et ceux qui subissent des maladies, des traumatismes physiques ou psychiques? Ou bien s'agit-il aussi d'augmenter les capacités de l'homme au seul bénéfice d'un surcroît de puissance ou de longévité? Plus généralement, devons-nous ouvrir les portes à une post-humanité dont nos ridicules limites humaines peinent à entrevoir l'étendue des facultés, notre seule gloire étant de concourir à l'avènement de cette nouvelle espèce qui pourrait bien porter sur nous un regard de pitié condescendante et incrédule? Pour discuter de ces questions, j'ai invité Guy Valencien, bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes chirurgien, membre de l'Académie nationale de médecine, pionnier en matière de robotique médicale, et vous venez de publier un livre intitulé « Homo artificialis, plaidoyer pour un humanisme numérique ». Deux mots qui semblent contradictoires l'un avec l'autre, il faudra donc que vous nous expliquiez comment vous les associez. Mais en exergue de ce livre, vous citez une phrase de Günther Anders, le philosophe, premier mari je crois de Hannah Arendt. Absolument. Qui écrit ceci, et vous le rappelez, « On n'évalue pas une idéologie aux réponses qu'elle apporte, mais aux questions qu'elle évacue. » Alors est-ce que, pour vous, le post-humanisme, le transhumanisme, relève de l'idéologie? Ah mais totalement, totalement. On a affaire à une vision mécaniste, d'ingénieur qui pense que à partir du moment où un problème est posé, il est résolu, et qui pense que une puce de silicium est égale à un neurone, ce qui est complètement faux, même si encore tout récemment une équipe française vient de mettre au point ce qu'on appelle une synapse, c'est-à-dire la petite zone qui sépare deux neurones, et de créer une synapse électronique. Mais il n'y a aucune comparaison entre les deux. Et on est là dans un système, je dirais presque totalitaire, qui mélange à la fois l'argent, le délire démiurgique de ceux qui pensent que nous allons pouvoir dominer la nature, et on oublie que de temps en temps un volcan ça peut péter, qu'un tsunami peut arriver. Et bref, on voit bien qu'on est dans une vision très quantifiée, on est dans la puissance pure, on est dans le quotient intellectuel, et quand vous regardez, quand les transhumanistes parlent, il n'y a jamais le mot d'amour. Jamais le mot d'amour ou d'amitié. Alors qu'il est très présent dans votre livre. Parce que, Ce mot transhumanisme, il a été inventé en 1957 par Julian Huxley, le frère d'Aldous. Oui, qui était biologiste. L'auteur oui. du Meilleur des Mondes. Et donc, si c'est une idéologie, et si j'en crois avec Günther Anders, il y a des questions qui sont évacuées par l'idéologie transhumaniste. Quelles sont ces questions? Eh bien, celles de l'amour. Eh bien, c'est celle-là. Je pense que les questions qui sont évacuées sont celles du partage, de la relation interpersonnelle. De l'émotion. De l'émotion. De la créativité. Alors, on nous dit demain, les ordinateurs seront capables, grâce à l'augmentation de l'intelligence artificielle, de pouvoir inventer, de pouvoir créer. Je ne le pense pas. Je ne vois pas comment. On y reviendra peut-être quand on écoutera tout à l'heure un peu de musique, et Bach notamment, mais je ne pense pas qu'on puisse voir la machine être capable de me donner de l'émotion. Les premiers exemples que nous avons des systèmes qui font de la musique uniquement par ordinateur, je ne parle pas de David Guetta qui fait chanter les foules avec son synthétiseur. C'est lui qui est là, qui bouge, qui chante, qui danse, qui bouge ses petits boutons. Et la machine ne fait que suivre ce que dit l'homme. Mais la machine toute seule, c'est d'une pauvreté et d'une tristesse épouvantable. La musique faite par la machine seule. Alors, avant qu'on en vienne à ces questions un peu philosophiques, Guy Valencien, je rappelais que vous êtes chirurgien, urologue. Comment s'est transformé votre métier entre le moment où vous avez commencé, où vous serviez directement de vos mains, à ce qu'il est devenu aujourd'hui? Mais écoutez, comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, jamais je n'aurais imaginé, étant jeune chirurgien à la Pitié, debout, appuyé à la table d'opération et effectivement plongeant mes mains à l'intérieur de l'abdomen du malade pour retirer une tumeur cancéreuse, jamais je n'aurais pensé que 20 ans plus tard, 20 ans c'est très court, je me retrouverais assis à 3 mètres avec une vision augmentée en 3D, voyant la prostate qui est grosse comme une petite noix, je la voyais grosse comme un melon, capable d'avoir une précision exceptionnelle avec des systèmes de télémanipulateurs, de bras télémanipulés qui me permettent de faire 360 degrés. Ma main ne peut pas faire plus de 200 degrés. Quand vous tournez votre main devant vous, vous êtes coincé. Pour l'auditeur, je signale que vous êtes en train de me le montrer. Je vous montre ma main que je n'arrive pas à tourner complètement. Alors que le bras télémanipulateur, il peut faire plusieurs tours, mille fois le 360 degrés dans un sens ou dans un autre avec une fluidité exceptionnelle. Donc oui, la robotique aide. Alors bien sûr, au départ, ça a été et nous avons été ceux qui ont démarré ces techniques, l'objet des pires sarcasmes, des pires attaques du genre, oui, c'est de la chirurgie pour manchots, et si jamais la machine se met à s'emballer, et avec son laser, tue tout le personnel dans la salle d'opération. Oui, vous racontez des réactions qui rappellent celles des ludistes contre les machines. Mais exactement, exactement. La crainte de voir son métier disparaître, son savoir-faire disparaître. Et c'était pas faux. Oui. Il n'a pas disparu, mais il s'est transformé. Il s'est transformé, il n'a pas disparu, il s'est transformé. Ce que je crois beaucoup, c'est à l'évolution de la chirurgie comme de la médecine, non plus vers le... Ce n'est plus notre apport technologique et notre savoir qui vont prédominer. Demain, ce sera notre relation à la personne, une fois de plus. Et celui qui va émerger véritablement en matière médicale demain, ce sera le médecin généraliste, le MG, ce que j'appelle le médecin global, qui prendra la personne dans toute son acceptation personnelle, familiale, environnementale, socio-professionnelle, culturelle et religieuse, et qui pourra l'aider dans la décision de son traitement, qui pourra l'accompagner en expliquant les complications, qui pourra le suivre tout au long de sa maladie, voire jusqu'à la mort. C'est ça le vrai rôle du médecin. Nous serons de plus en plus dégagés des outils technologiques qui ont fait notre savoir et qui nous ont donné notre pouvoir. Mais est-ce qu'il y a encore des opérations que vous faites à l'ancienne, avec les mains, directement dans le corps ? Oui, parce que vous pouvez robotiser des interventions totalement programmées. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'on détecte, par exemple, un cancer avant même qu'il n'y ait des symptômes. Donc, on trouve la toute petite image à la mammographie. On trouve, par le dosage de l'antigène de la prostate, le fameux PSA, on s'alerte et on trouve un petit cancer de la prostate qui n'est même pas palpable. On se sait malade avant de le sentir. On se sait malade avant de le sentir. Les maladies deviennent muettes. Hein, donc Foucault parlait de la naissance de la clinique. Moi, je pense que nous assistons à la mort de la clinique. De plus en plus, c'est la biologie, le chiffre, qui vous indique qu'il y a quelque chose, ou l'image de l'échographie, du scanner ou de la résonance magnétique qui vous dit « tiens, il y a quelque chose ». Et quand on a une petite lésion d'un centimètre de diamètre bien située, par exemple, dans un rein, on peut aller la cibler parfaitement avec ces systèmes robotiques. En revanche, si j'ai affaire à une complication, à une péritonite, à une occlusion intestinale, il est clair que là, les systèmes experts robotisés ne peuvent pas faire, parce que il faut toute la connaissance, toute l'expérience et toute l'inventivité au fur et à mesure du chirurgien. Mais est-ce que les chirurgiens aujourd'hui, qui sont étudiants, sont formés à ces opérations à l'ancienne ou directement avec des joysticks? C'est tout le débat, c'est que il faut faire les deux. Et c'est vrai que moi, je me suis posé la question quand cette robotique est arrivée. Je me suis dit, est-ce que je reste le spécialiste de la chirurgie ouverte qu'on ira chercher à 3h du matin en disant « viens, parce que là, vraiment, on ne sait pas faire ». Ou est-ce que je m'embarque dans la robotique ? Et je me suis embarqué dans la robotique pensant que de toute façon, l'avenir était là. Mais il va falloir apprendre les deux. Alors, comment ça s'est passé ? Quelles ont été les grandes étapes du développement des robots qui aident le chirurgien ? Ça a commencé en 1996, par un petit système qui permettait de guider l'optique, que l'on utilise quand on fait de la chirurgie célioscopique, la chirurgie sans ouvrir. On passe un tube dans l'ombilic et qui contient une optique et que l'on fixe à une caméra. Et le premier système a été une direction vocale de ce petit instrument. On pouvait dire à gauche, à droite, en haut, en bas, zoom, retour arrière, grand angle. Et donc on était libérés. Les mains étaient libérées et on avait une très très bonne vision, parce que quand on opère, l'aide parfois se fatigue et n'est pas toujours là où on veut. Là, c'est moi-même avec mes yeux qui guidais, qui donnais à l'instrument la direction à avoir et la profondeur de champ. Et puis ensuite, on est passé au système de télémanipulation. Tout ça sont des instruments américains. Au départ, c'est vraiment l'Amérique triomphante, l'Amérique de l'ingénierie, la relation du reste entre... Plus que le Japon. encore plus que le... Alors, le Japon est dans la robotique, notamment dans la robotique humanoïde et la robotique industrielle. Je reconnais que l'Amérique a été victorieuse sur la partie robotique chirurgicale avec la firme Intuitive Surgical qui a été créée par un ingénieur transfuge de la NASA et un chirurgien. Les deux, le couple. Ensemble. Et puis, la France s'en sort très bien avec mon ami Bertin Naoum, qui a créé MedTech, la compagnie, petite compagnie qui était à Montpellier, et qui a créé le robot Rosa, qui permet d'opérer, de faire de la neurochirurgie extrêmement précise. Le vrai problème... Et vous-même, vous avez participé au développement du robot? Alors oui, parce que fatalement, quand avec les ingénieurs, c'est ce qui est, ma passion a toujours été de travailler en relation étroite avec les ingénieurs, qui sont des êtres que j'adore, mais qui en même temps ne savent jamais s'arrêter. Ils ont toujours une idée en plus. Alors, et en faut, nous, les praticiens, nous avons à leur dire, attends, stabilisez votre produit, on va le tester, ensuite on reviendra. Calmez-vous. Calmez-vous un peu, oui. Mais c'est vrai que faut voir qu'au début, l'instrument était extrêmement rustique. On avait parfois des petites étincelles, on avait il n'y avait pas tellement de panne, très peu de panne, mais il n'y avait pas de retour de force, on avait donc des éléments qui étaient assez bizarres. Mais en même temps, regarde, quand on faisait un nœud avec le robot, on ne se rendait pas compte de la puissance que l'on mettait sur les instruments pour faire les boucles. Et on cassait le nœud une fois, deux fois, trois fois. Et à la quatrième fois, c'est les yeux qui prenaient le relais. On se disait, là, à cette distance-là, j'arrête parce que ça va casser. Comme quoi, un sens peut être utilisé à la place d'un autre très, très rapidement. Ça, c'est notre plasticité cérébrale inimaginable qu'aucune machine n'atteindra à ce point. Alors, dans les avions, certains passagers sont angoissés quand ils savent que l'avion est en pilote automatique. D'autres, au contraire, sont rassurés. Le patient qui sait qu'il va être opéré par des robots, comment est-il? Est-ce qu'il... Alors, le patient qui va être opéré par des robots est en général extrêmement rassuré parce qu'il sait que nous sommes derrière, comme dans l'avion. Si vous voulez, la machine fait mieux que nous, c'est terrible à dire, mais regardez les accidents de voiture, 94% sont dus à l'homme. Endormissement, addiction, alcool ou drogue, vitesse ou portable. On le sait. Ça veut dire que dans 20 ans d'ici, probablement, nous serons interdits de conduire. Parce que les assureurs ne paieront plus pour cela. Sauf à avoir des primes extraordinairement élevées. Et si vous regardez l'aviation, je connais bien parce que je suis au Conseil médical d'Air France, c'est que 75% d'erreurs humaines, les accidents. Donc c'est vrai que l'atterrissage tout temps, mieux vaut qu'il y ait l'appareil qui le fasse. Parce que le pilote, lui, ne voit rien dans le brouillard. Et je suis pareil en mer, hein. Et donc, je suis convaincu, je ne suis pas convaincu, la réalité est là. La machine fait presque toujours mieux que l'homme, qui lui garde simplement la possibilité de déroger à toutes les règles, de tout d'un coup, quand il y a un événement véritablement imprévu, d'être capable de reprendre les manettes. C'est l'affaire du pilote américain de l'avion, voilà, qui a posé sur l'Hudson, exactement. Il a désobéi aux ordres. Il a coupé la radio en disant « Vous m'emmerdez, c'est fini, j'y vais tout seul ». Il a été le plus humain des hommes à ce moment-là. Alors, vous le savez, c'est la règle dans cette émission. Il y a une première pause musicale, le moment est venu. Vous avez choisi un morceau de Bach. Nous allons l'écouter et ensuite vous nous expliquerez ce choix. Thank you. Guy Valencien, je voyais bouger en écoutant ce morceau de Bach. Quel est-il et pourquoi l'avez-vous choisi ? Alors, c'est le prélude de la première suite pour violon, c'est le seul de Bach par Mislav Rostropovitch. C'est pour moi l'une des musiques les plus émouvantes. On croit toujours Bach très métronomique, très mathématique, je dirais. Presque robot. Oui, exactement, très robotique. Alors que quand on écoute attentivement, il y a toujours la note, tous les 4-5 secondes, la note qu'on n'attend pas, la note qui dérange, la note qui rend l'émotion. Et c'est ce que j'ai voulu traduire en présentant cette musique-là. Il la joue en plus assez rapidement, beaucoup plus que les autres. C'est un véritable flux. Et puis il y a cette fin avec l'ascension où vous avez les doubles cordes. Et quand on joue en double corde, on a l'impression que c'est un véritable orchestre qui se manifeste. Guy Valencien, je voudrais vous poser une devinette. Je vais vous lire quelques extraits de textes écrits par un auteur, un grand auteur français. Un texte qui a été écrit dans les années 1920. Et on a l'impression que cet auteur vous a lu. Alors, on va voir si vous êtes capable de le deviner. Voilà, je commence. Il y a des activités intellectuelles, dit-il, qui peuvent changer de rang par le progrès des procédés techniques. Quand ces procédés deviennent plus précis, la valeur personnelle du professionnel perd de plus en plus d'importance. On sait quel rôle joue l'habileté individuelle et les procédés secrets dans une quantité de domaines. Mais le progrès technique tend à rendre les résultats indépendants de ces qualités singulières. Si la médecine, par exemple, arrivait quelque jour dans les diagnostics et dans la thérapeutique correspondante à un degré de précision qui réduisit l'intervention du praticien à une série d'actes définis et bien ordonné, le médecin deviendrait un agent impersonnel de la science de guérir. Il perdrait tout ce charme qui tient à l'incertitude de son art et à ce qu'on suppose invinciblement qu'il y ajoute de magie individuelle. Il se rangerait désormais tout auprès du pharmacien, qui est placé un peu plus bas que lui, jusqu'ici, parce que ses opérations sont plus scientifiques et se font sur une balance. Je termine. On pourrait dire, en termes bizarres et empruntés du langage du droit, qu'il existe des intellectuels fongibles, et d'autres qui ne le sont pas. Les premiers sont déjà engagés dans la machine ou peu éloignés de l'être, étant ceux qui sont interchangeables et que l'on peut prendre l'un pour l'autre. À la vérité, il n'y a point d'hommes absolument interchangeables. Ils ne le sont, quand ils le sont, qu'à une certaine approximation. À votre avis, qui a écrit ça ? Vous avez trouvé ça, oui, mais c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce que je pense. Ben oui. Mais encore qu'on y reviendra. Mais qui a pu écrire ça ? Mondor ? Non. J'aurais dit Paul Valéry, mais non. Gagné. C'est Paul Valéry. C'est Paul Valéry. Oui. Propos sur l'intelligence. Ça m'étonne pas. Qui adorait les chirurgiens, notamment, qui était très ami des chirurgiens, et ça m'étonne pas. Alors je vais vous lire un autre petit bout du même texte, Propos sur l'intelligence. Un homme libre dans le passé ne devait pas vivre du travail de ses mains. La profession libérale s'opposait à la profession manuelle. Mais un chirurgien se sert de ses mains, voire ganté. Un pianiste vit de ses doigts. Un peintre, un sculpteur essaie d'en vivre. Tous ces professionnels, jadis, étaient regardés comme ouvriers. Aujourd'hui, le changement est profond. Le chirurgien ne se confond plus avec le barbier, l'artiste avec l'artisan, et la hiérarchie sociale fondée sur l'estime, sur le degré supposé de noblesse des occupations, s'est déplacée. Le chirurgien se trouve classé bien plus dignement que bien des professions où les mains ne servent qu'à écrire. Alors, qui est chirurgien et qui écrivait. Alors, mais en même temps, je peux répondre le contraire. Je peux répondre le contraire parce que du temps où la médecine était ignarde, ignorante, elle était sacralisée. Puis quand elle devint savante, elle fut respectée. Et aujourd'hui qu'elle est extrêmement efficace, elle est suspectée. Nous n'avons jamais eu autant de procès alors que nous faisons de mieux en mieux. C'est assez curieux de voir ce décalage qu'il y a entre peut-être la demande. On espère qu'effectivement nous allons guérir et il y a un énorme espoir des malades pour que l'on guérisse. Et le moindre accroc, le moindre petit problème crée le souci. Je me souviens, juste un exemple, d'une femme de 30 ans à qui nous avions fait une greffe de rein. et qui nous avait fait un procès pour une toute petite boursouflure de sa cicatrice abdominale, qui n'était rien du tout. Et j'avais été absolument, personnellement, très scandalisé de voir que cette malade ne se rendait pas compte de la chaîne de solidarité qui avait fait qu'elle pouvait vivre avec un rein sans ne plus être attachée à la machine 3 fois par semaine. Et c'est un peu le monde dans lequel on est, il faut l'accepter, c'est comme ça, nous payons ce... C'est-à-dire qu'on vous croit très efficace, de sorte que toute erreur est suspecte. Oui, exactement. Et donc la machine elle-même... Alors la machine va nous remplacer de plus en plus, en termes de diagnostic. L'ordinateur va faire le diagnostic de plus en plus. En termes de savoir quel traitement proposer, parce que si vous voulez analyser, par exemple, le génotype d'une tumeur, d'un cancer du rein, eh bien il faut analyser 3 milliards de bases azotées. Mon cerveau n'en est pas capable. Et je vais revenir à ce qui a toujours fait pour moi l'essentiel de la médecine, c'est la relation interpersonnelle. J'y reviens tout le temps parce que c'était vrai du temps de l'Égypte ancienne où les Wabous, les médecins généralistes étaient les plus reconnus, ils les exerçaient dans les temples, ils étaient riches, ils étaient vraiment reconnus, alors que les Swabous, eux, qui étaient les spécialistes, il y avait le spécialiste des oreilles, le spécialiste de l'abdomen, il y avait même le spécialiste des yeux et le spécialiste des maladies incertaines. C'est-à-dire ? Eh bien, eux étaient dans les champs, étaient des misérables. C'est quoi les maladies incertaines ? Mais on ne sait pas, ce qui n'existait pas, ce qui n'était pas, ce qui étaient toutes les autres spécialités, sauf celles que j'avais décrites. Et donc on voit bien que le métier de généraliste, cette mise en perspective de la maladie pour l'homme, la femme ou l'enfant atteint, c'est un rôle de curé. Je suis désolé. Nous allons redevenir ce que nous avons un peu perdu au prix de la technique, les bio-conseillers, ceux qui vont vraiment aider la personne, au prix de consultations lentes. Mais aujourd'hui, la consultation n'est pas honorée. À 23 euros de la consultation, qu'est-ce que vous voulez? C'est moins cher que le coiffeur. Donc le médecin va vite. On a besoin de consultations lentes, d'écouter, de capter la personne avant de pouvoir soi-même s'exprimer. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Paul Valéry qui dit que les professions qui sont approchées ou colonisées par la technique sont fongibles? Oui, c'est vrai, complètement. Complètement, ça je suis assez d'accord. Et pourtant, il reste quelque chose dans votre métier qui ne pourra pas être fait par les machines, vous le dites vous-même. Oui, il restera tout ce qui est imprévu, tout ce qui est original, tout ce qui n'est pas programmé. Et puis il y aura aussi, si vous voulez, nous travaillons aujourd'hui avec la médecine basée sur les preuves, qui est faite de données récupérées à partir de populations statistiques de patients. Sur 1000, 10 000, 100 000 patients, on peut dire que dans tel cas, il faut faire telle chose. Donc tout ça peut être délégué à des personnels de formation plus courte, puisque c'est juste à appliquer des règles. Et nous fonctionnons comme ça dans 90% des cas. Mais dans 10% des cas, les malades ne rentrent pas dans le moule de cette médecine basée sur les preuves pour des raisons personnelles, familiales, religieuses ou culturelles. Ils ne veulent pas. Et donc c'est à moi de transgresser, de déroger aux règles établies pour m'adresser à un individu unique. Un peu comme le pilote de l'avion que vous citiez tout à l'heure. Exactement, exactement. Ce qui pose à terme le problème de la dépénalisation de l'erreur, qui est un vrai débat qu'il faudra mettre. Autant la faute doit être punie, c'est-à-dire je suis appelé à 2h du matin, on me dit le malade saigne après l'opération, et je dis écoute, débrouille-toi, je dis à l'interne débrouille-toi, parce que je suis des culots de sang, je viendrai demain matin, et le lendemain matin j'arrive, et le malade est mort, c'est de ma faute. J'aurais dû me lever pour apprécier l'état exact du patient, et voir s'il ne fallait pas le réopérer tout de suite. Là, je suis en faute. En revanche, l'erreur, dès que je touche, dès que j'agis sur le corps vivant, il peut arriver des complications, des conséquences tout à fait imprévues, l'erreur devrait être dépénalisée, non seulement en médecine, mais dans tous les domaines. C'est une erreur que de pénaliser l'erreur. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Il y a des phrases dans votre livre qui m'ont interpellé, Guy Valencien. Votre livre qui s'intitule Homo Artificialis. Vous dites, j'ai compris au contact des opérés que le plus gros organe sexuel n'est pas celui qu'on croit, mais plutôt les milliards de neurones qui grouillent dans notre tête. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la vie sexuelle est d'abord psychologique. Parce que vous êtes urologue, il faut le rappeler, donc vous opérez beaucoup donc de prostates. J'opère beaucoup de malades qui ont des affections de la prostate, dont certaines, lorsqu'on les opère, entraînent une impuissance, ou au moins une difficulté au point de vue des érections, ce qui est un vrai problème. Nous sommes homo erectus. Ça dépend des fois. Mais oui, c'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et donc, je me suis un peu intéressé. C'est pour ça que je me suis intéressé au cerveau, c'est voir comment fonctionnait effectivement le rapport entre l'organe sexuel et ces fichus neurones qui grouillent dans notre cerveau. Et c'est là que tout se passe. Tout se passe dans la tête avant de se passer dans le sexe. Donc nous sommes vraiment des êtres intelligents, si je puis dire. Voilà. Alors, est-ce qu'on va le rester? Je vous cite une phrase de McLuhan. Vous savez, le McLuhan, bien connu pour ses travaux sur la communication. Il est déploré dans les années 60 que la technique fasse de nous les organes sexuels du monde mécanique voués à sa seule reproduction. Et dans votre livre, on sent aussi un peu cette angoisse que la technique et les machines, les robots en l'occurrence, nous fassent perdre notre humanité. Je dirais que les robots ne nous feront pas perdre notre humanité, mais ils pourraient à terme, si on entend ceux qui les promeuvent, ils pourraient à terme nous dépasser. Donc on pourrait aller vers des créatures totalement nouvelles, faites de plastique, de métal, de puces, de silicone ou demain de petits systèmes quantiques qui pourraient nous dépasser en capacité cognitive et en capacité physique. C'est un peu l'idée du trans et du post-humanisme qui considère, notamment le post-humanisme le plus radical, qui considère que le corps n'est qu'une enveloppe véritablement inutile, qui ne crée que des soucis et que seul l'esprit compte. D'où l'idée d'aller nous télécharger sur une espèce de nuage global où nous retrouverons un peu au paradis avec les corps, enfin les cerveaux ressuscités ou maintenus en état. Et je ne vois pas en quoi j'aurais besoin d'augmenter mes capacités cognitives. Ce qui m'intéresse, c'est ma relation à l'autre. Je m'intéresse à la densité d'être, je ne m'intéresse pas à l'augmentation d'un simple quotient intellectuel qui ne représente qu'une infime partie de ce qu'est l'intelligence. Alors, vous vous rappelez dans votre livre l'origine du mot robot que personnellement j'ignorais. C'est un mot qui est emprunté au terme slave robota, qui veut dire travail forcé, corvée. Oui, esclave. Et qui a donné en polonais robotnik, oui. Traduction du mot ouvrier. Oui. Inventé par Karel Čapek, qui oui, était un auteur, oui, un tchèque, auteur tchèque absolument. De science-fiction. Le mot est apparu en 1920 dans une pièce de théâtre, Rour, R-U-R. Oui, oui. Oui. Russomovie Universalni Roboti. Voilà, voilà. Et le mot n'existait pas avant, ça m'a beaucoup surpris. Non, absolument. C'est pas un mot d'origine latine ou grecque. Il va fêter son premier siècle. Comment? Il va seulement fêter son premier siècle. Oui, exactement. Mais c'est déjà bien quand on voit quand on voit le progrès et qui s'est fait entre cette définition et les outils que nous utilisons aujourd'hui. Alors, vous abordez les problèmes de sémantique aussi, ça m'a passionné. Vous posez la question de savoir si un robot intelligent pourrait un jour comprendre le sens de la phrase suivante. Je crois qu'il pense que je ne sais pas qu'il ment. Oui, absolument. Oui, parce que là, on rentre dans la complexité maximale, si vous voulez. Je crois qu'il pense que je ne sais pas qu'il ment. Oui, exactement. Donc, je pense que la machine va s'arrêter en disant « je ne comprends pas ». C'est l'intérêt du robot. Aparté, l'intérêt aussi du robot, par rapport à l'action humaine, c'est que quand il ne comprend pas, il s'arrête. Il est bloqué. Il est bloqué. Bug. Alors que nous sommes capables de forcer et d'aller à l'accident. Ça, c'est intéressant. Alors, j'en reviens à la sémantique. Les choses sont en train de changer parce que l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond, qui n'est pas encore tout à fait là, mais vient, va permettre probablement peut-être d'aller jusqu'à comprendre ce genre de phrases alambiquées pour une machine. Mais pour l'instant, non. On ne connaît pas de robot qui ait pu comprendre effectivement cette phrase. J'en ai cité quelques-unes autres qui sont un peu plus facile, de même que la complexité de notre langage et de notre langage intérieur. Je ne parle pas uniquement de ce que nous échangeons tous les deux face à nos micros, est quelque chose que la machine n'a pas encore pu intégrer ni résolu. Alors je reviens du Japon, là où j'ai passé quelques jours, et on m'a mis dans les bras le robot Paro, qui est un phoque qu'on donne aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Qui émet des sons, qui réagit à des gestes, et c'est un grand succès, c'est vraiment distribué à grande échelle dans les maisons de retraite. Est-ce que ça vous semble un palliatif intéressant pour les malades, les personnes âgées, notamment celles qui souffrent d'Alzheimer? Alors, pour les cartésiens que nous sommes, ça paraît affreux. On se dit, c'est un scandale quand même de traiter des vieilles personnes comme ça, avec des petits nounours en plus, enfin des petits phoques en plus, qui disent un petit peu bonjour, dont les yeux brillent et se tournent vers elles. On ne mesure pas l'impact psychologique considérable qu'il y a à caresser ces petits animaux. Les personnels soignants et les personnes qui les touchent elles-mêmes disent que ça les rassure, ça les détend. Et quand on voit souvent l'isolement des personnes âgées dans la maison de retraite, il faut reconnaître que c'est un outil qui est utile. Alors c'est vrai que les Japonais, eux, sont en majorité shintoïstes, donc il y a une âme dans tout objet, le jardin zen, le moindre caillou a une âme. Nous ne sommes pas comme ça, mais je rappelle que nous avons toujours adoré nos doudous quand nous étions petits, et nous pleurions très fort quand notre mère nous l'arrachait, alors que c'était un espèce de morceau de peluche, parfois moche, sale et plein de la bave que nous lui donnions avec nos baisers. Mais c'était comme ça, c'était notre meilleur ami. Nous avons des relations aux objets qui sont à sens unique, en ce sens que nous aimons ou nous détestons les objets. Mais nous gardons souvent beaucoup d'objets parce que nous les aimons véritablement. Eux s'en fichent, ils sont froids, ils ne nous renvoient rien, ça ne nous empêche pas de les aimer. Nous sommes des êtres empathiques, le cerveau humain est fait pour la relation. Et quand vous regardez un Armel Lecléache sur son bateau, il le caressait, il lui parlait pour aller à la victoire. Et je trouve ça tout à fait beau. C'est une relation entre esprit et matière. On a voulu diviser les deux, en fait. On a toujours voulu, ça c'est l'Occident qui, pour moi, est terrifiant. On a voulu diviser matière et esprit. Je suis convaincu qu'on est dans un continuum et que nous aurons beaucoup de choses à revoir sur le plan philosophique à ce sujet pour nous situer peut-être en intermédiaire avec ce que font les Asiatiques pour lequel l'homme est dans le cosmos. Est-ce que vous pensez que pour que les robots vraiment colonisent la vie sociale ou même participent à grande échelle à la vie sociale, il faut être shintoïste, c'est-à-dire leur accorder une espèce d'âme? Alors, nous on allons traiter comme des animaux. Oui. Non, bien sûr, nous allons droit. Il existe déjà un droit des robots qui se développe à toute vitesse. On les reconnaîtra comme des personnes. Nous n'aurons pas le droit de les détruire. Nous n'aurons pas le droit de les agresser. Mais pas des personnes responsables. Oui. Alors, un peu comme les animaux. Oui, absolument. Mais en fait, on voit se développer ce droit parce qu'à partir du moment où nous allons avoir les animaux, le problème des animaux, c'est qu'ils ne nous, enfin, j'adore les animaux, mais ils ne font pas le travail à notre place véritablement. Si encore que vous avez des chiens d'aveugle, par exemple, et effectivement, on ne va pas attaquer un chien d'aveugle si jamais en traversant la rue, il s'est trompé. Et voilà. Mais on voit bien qu'on va vers une relation de plus en plus étroite avec la machine qui va nous prendre une partie de notre responsabilité. Elle sera partagée. Nous allons vers une responsabilité systémique, savoir qui, dans l'accident qui a eu lieu, est dû, qu'est-ce qui est dû à la machine, qu'est-ce qui est dû à l'homme ou aux deux. Ça se discutera de plus en plus. Donc, moi, je suis là-dessus relativement rassuré. Nous allons vivre avec ces machines. Il va falloir apprendre à vivre avec elles, ne pas les considérer comme des ennemis. Et comme vous le disiez au début, l'émission, ne pas les détruire comme les ludites ou les canutes. Et en même temps, ne pas nous laisser déborder par une vision démiurgique qui ferait que l'homme deviendrait, nous aurions... C'est ce qui fait que votre position est intéressante parce qu'elle est intermédiaire. Il y a des choses qui vous rassurent, des choses qui vous inquiètent. Par exemple, vous écrivez dès l'avant-propos de votre ouvrage que vous revendiquez le droit au mensonge et à la dissimulation au nom de la liberté. Vous avez peur pour les libertés individuelles? Oui, complètement. Là, on est avec les données que nous offrons tous les jours aux GAFA, à Google, Apple, Amazon et Facebook. Vous voyez bien que nous sommes totalement nus. On est sans y être obligé. On n'y est pas obligé, mais on le fait parce qu'on a un accès dit gratuit, qui n'est pas du tout gratuit, parce que nous payons très cher cette liberté de pouvoir accéder à de la connaissance, hein, nous le payons par justement le fait que les bases de données et les mégadonnées des compagnies qui les ont sont absolument considérables. Alors vous savez que c'est moins l'algorithme qui est utile que le nombre de données. Un algorithme faible avec des milliards de données est bien plus puissant qu'un algorithme très puissant avec peu de données. Et là, nous nous vendons. Donc, vous savez, je dis toujours que quand j'ai donné mon âge une fois à un site, et bien évidemment, en permanence, je reçois maintenant sur mes emails assurance pour obsèques, fauteuil roulant ou baignoire avec porte. Vous voyez, bon, voilà. Donc je suis fiché. Et quand vous allez sur Amazon, vous achetez un livre, les autres aussi ont lu ceci, cela. Ce qui peut être intéressant parce que ça nous donne parfois des idées. Mais nous sommes donc totalement en ce moment de plus en plus dominés. Je veux revenir au mensonge, à la dissimulation. C'est ma liberté. Pouvoir mentir définitivement sur votre âge. Peut-être, encore que je m'en fiche, mais pourquoi pas. Mais le mensonge, je parle du mensonge pieux, je veux dire. Il y a des mensonges pieux, il y a des mensonges qui ne le sont pas. Mais nous devrons retrouver... Il y a surtout des mensonges par omission. Oui, exactement. Il faudra que nous retrouvions cet espace de liberté qui est en train d'être grignoté à une vitesse inimaginable. Le moment est venu d'écouter le second morceau de musique que vous avez choisi, Guy Valencien, c'est Chopin, je crois. Oui. Thank you. à l'ancien, vous avez choisi Chopin, ce morceau. Quel est-il et pourquoi? Oui, ben c'est un morceau qui est joué par ce pianiste que j'adore, Arthur Rubinstein. Pourquoi? Parce que il est hors du temps. La musique qui est la plus métronomique, je dirais le plus métronomique des arts, le plus réglé, on a le tempo, on sait exactement ce que faire, on a les notes, les croches, les demi-croches, et là il se balade. On ne peut pas l'imiter, il est hors du temps, et la vraie musique est hors du temps. Elle doit garder un rythme et un tempo, parce que on a bien vu ce qui s'est passé avec la musique quand elle est devenue atonale et quand elle a perdu son rythme. Plus personne ne l'écoutait. Vous savez, avez-vous entendu un peintre en bâtiment siffler une musique de Schoenberg? Non, pas trop. En revanche, Verdi, oui. Voilà. Donc la musique, c'est quand même ça. C'est du rythme, c'est du tempo. Mais en même temps, il faut le rompre pour être totalement dans le rapport. C'est un rapport à l'autre qui est extraordinaire, en plus, parce qu'on ne joue pas pour soi, on joue pour les autres. Et j'ai bien aimé ce morceau de Chopin, ce Chopin que j'adore, comme le Bach qui était avant. Vous savez que la rencontre entre Chopin et George Sand s'est passée, c'est ce qu'on raconte, en tout cas, il a joué un morceau de piano et c'est là qu'elle a succombé. Elle a craqué. Alors j'ai une petite anagramme à vous proposer, qui a été découverte par Jacques Perisalkov. Aurore Dupin, baronne du Devant, alias George Sand. Ça, c'est son état civil complet. Et l'anagramme de cet état civil, c'est « Valsera d'abord au son du piano d'un génie étranger ». Ah non, c'est super ça, bravo, bravo. Chopin. Bravo Étienne, c'est... Ouais. Qui c'est Jacques Perisalkov qui l'a très joli. Qui l'a découvert. Très joli ça. Alors maintenant, Guy Valencien, j'ai dit que vous aviez une position un peu paradoxale ou centriste, je sais pas ce qu'il faut dire. Vous parlez d'un humanisme numérique. Ces deux termes qui semblent s'opposer. Alors comment est-ce que vous pensez l'articulation entre l'émergence de machines de plus en plus performantes, qui nous ridiculisent parfois tellement elles font bien les choses, elles les font mieux que nous, et puis ce qui nous reste de liberté fondamentale et d'identité proprement humaine? Eh bien justement, le fait d'allier les deux mots humanisme et numérique me vont en ce sens que je crois que nous avons à développer le plus possible ces outils nouveaux, l'intelligence artificielle, la robotique, à les développer sans état d'âme. Et nous ne devons pas être dans la précaution, dans ce principe de précaution que j'exècre. La science est amorale, elle a à comprendre le monde, elle n'a pas à s'occuper des causes, mais du comment. Voilà. Comment sommes-nous faits? Qu'est-ce que l'univers? Très bien. Et donc là, il faut la laisser faire. C'est après, ce sont les dérivés techniques que permettent les progrès scientifiques, qui sont à discuter sur le plan éthique et de façon, je dirais, consensuelle entre les peuples. C'est vraiment, on a connu ça avec l'énergie atomique. Et quand Robert Oppenheimer a vu le champignon s'élever dans le désert d'Alamogordo en 45, lors du projet Manhattan, il a eu cette phrase de la Bhagavad Gita où Arjuna, le prince qui est sur ses éléphants de combat, dit à Vishnu, Vishnu, je crains pour ma famille, j'ai des personnes de ma famille qui sont là sur les éléphants de combat, ils vont mourir. Et Vishnu lui répond, oui, je suis le semeur de mort, le destructeur des mondes. Depuis ce temps-là... Le cosmoclaste. Voilà. Depuis ce temps-là, nous n'avons pas eu une, en dehors des deux bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Après, on a vu l'horreur, et il n'y a pas eu une bombe qui ait pété pour fait de guerre. Et on a bien vu qu'en 10 ans après, 55, je crois, Russell lance son appel, et puis en 67, on lance le premier grand traité de non-prolifération. Alors c'est un équilibre instable, mais il est là. Et en même temps, moi, comme médecin, j'utilise l'énergie atomique tous les jours, en faisant des scintigraphies osseuses, en utilisant des rayonnements pour aller traiter des tumeurs. Et nous nous éclairons dans ce studio avec l'électricité nucléaire. Donc, on est en permanence dans le bénéfice-risque. Et ça, en médecine, c'est quelque chose qui est très fort chez nous. C'est le primum non nescere, ne pas faire plus mal que le mal lui-même. Mais il y a quelque chose là qui vous rapproche d'Einstein, parce que... 1939, il a donné une conférence à Princeton sur la responsabilité du scientifique, qu'il a conclu en disant « Il n'existe pas de chemin qui aille de la connaissance de ce qui est, que la science nous donne, à la connaissance de ce qui doit être. » Donc la science doit, comme vous le dites, nous dire comment est le monde, comment ça fonctionne, etc. Quelles sont les lois physiques, mais elle ne nous dit pas ce que nous devons faire des connaissances ainsi acquises. Absolument. Alors, qui décide, je suis désolé, là-dessus je suis très citoyen, ce sont les peuples. Ce sont les peuples qui décident. Les politiques sont toujours en retard. Ils ne font que ce que le peuple demande, globalement, sauf exception. Et en général, à ce moment-là, ça se termine par un totalitarisme. Mais le peuple n'est pas unanime. Non, mais il arrive quand même, quand on regarde, à certains consensus assez forts. Et donc, je pense qu'il faut en discuter. C'est pour ça que j'aime beaucoup votre émission et que j'espère que... Merci, ça mais ça sera coupé au montage. Bon, très bien. Ça sera coupé au montage ou pas, non? Non, ça ne va pas le couper au montage, les éloges, non. Bon, alors, attendez. Alors, on revient... Non, je blague. Vous blaguez. Alors, non, ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de prendre conscience des enjeux, des dangers et des bénéfices que ces technologies issues de la science nous offrent. Et c'est à partir de là que nous pourrons décider. Et là, on rentre dans l'éthique, c'est-à-dire dans la relation encore interpersonnelle, de savoir ce que nous devons faire, ce qui sera permis demain. Tout doit être fait sur la recherche en ce qui concerne l'embryon. Et la France, là-dessus, est très en retard. Elle est ringarde. Nous sommes dans une espèce de passé judéo-chrétien qui est mortifère. L'Académie de médecine et l'Académie des sciences américaines l'a accepté, les Anglais l'ont accepté. Il faut savoir comment nous sommes faits, d'où nous venons et comment nous poussons. Eh bien, à partir de quoi faudra-t-il demain autoriser, par exemple, la gestation dans un utérus artificiel? Voilà, nous y arriverons techniquement. Nous savons déjà faire les 3 premières semaines. Nous savons faire les 3 derniers mois avec les couveuses et les grands prématurés. Il nous reste le milieu à assurer. Nous y arriverons. C'est peut-être pas le plus simple. C'est peut-être pas le plus simple. Nous y arriverons. Faudra-t-il le faire ou pas? C'est une question que nous aurons à nous poser. Et je n'ai pas de réponse là-dessus. Je n'ai pas de réponse personnelle. Mais vous dites qu'il faut vraiment défendre l'idée que la technique peut réparer les corps, pour le dire simplement, mais qu'elle ne doit pas les augmenter, pas augmenter leur performance. Jean-Jacques Rousseau disait Jean-Jacques Rousseau n'était pas un fan de science et de technologie. Il disait « L'homme est un être perfectible. C'est la meilleure façon de le définir et de le distinguer de l'animal. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Et est-ce que la perfection ou la perfectibilité dont il parle ne vaut que sur le plan moral ou est-ce qu'elle doit valoir aussi sur le plan physique ou intellectuel? Alors je pense qu'elle, pour moi, elle ne vaut que sur le plan moral. Je ne vois pas pourquoi j'aurais à m'augmenter mon quotient intellectuel. Les Chinois l'ont fait, ils viennent de séquencer des centaines de gamins qui ont un QI de 130 pour voir si avec les ciseaux moléculaires, le petit CRISPR-Cas9 là, de notre cher Emmanuel Charpentier. C'est du copier-coller, c'est ça? Copier-coller, les systèmes qui permettent de bouger un peu d'ADN pour en remettre d'autres. Ils se disent, on va peut-être faire des gamins de QI de 150. On est dans le quantitatif pur. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas sûr que Mozart ait eu un QI de 150. Est-ce que Gainsbourg avait un QI de 180? Je n'en sais rien. Sans doute pas. Et quand vous regardez les plus belles pages, les plus belles musiques, les tableaux les plus déchirants ont été souvent exécutés par des gens déchirés, drogués, alcooliques, complètement au fond du trou. Donc, la normalité, je m'en méfie énormément. La normalité, hein, j'entends. Oui, et il m'arrive, j'aime bien la normale en un seul mot. Et donc, je ne vois pas, je répète, tout ce qui est en train d'être fait du côté de la Silicon Valley et de l'autre côté entre Shanghai, Pékin et Shenzhen, donc l'océan Pacifique est en train de nous dominer. Là-dessus, l'Europe est à la ramasse complètement. Nous n'avons pas une entreprise de taille mondiale capable de lutter avec les GAFA ou avec les grands Chinois. Et nous nous laissons dominer par des gens qui n'ont pas la même conception que nous du monde. Alors, est-ce que la vieille Europe, dans sa philosophie humaniste, les droits de l'homme, la démocratie, va être capable de répondre à ces défis technologiques? Je n'en suis pas sûr, parce que pour vraiment y répondre, il faut aussi les connaître. Mais votre idée, c'est qu'on doit laisser la science se développer et ensuite, on décidera de ce qu'on veut faire. Exactement. Mais est-ce qu'on pourra? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'autonomie de la recherche par rapport aux désirs des peuples? Laurent Alexandre, que vous citez dans votre ouvrage, disait par ailleurs, dans un livre qu'il a écrit avec Jean-Michel Beignet, que j'avais reçu il y a quelque temps dans cette émission, Laurent Alexandre écrivait « L'humanité est déjà lancée sur un toboggan transgressif ». Donc dans l'idée de toboggan, il y a l'idée que les choses se développent sans qu'on gère les trajectoires. Je ne crois pas. Alors ça, c'est tout sauf l'humanité. Tout sauf l'humanité. Le toboggan, je ne connais pas. Si nous sommes incapables d'arrêter la glisse, c'est que nous ne sommes pas des humains. Et ça veut dire que nous ne sommes pas capables de réfléchir à nous-mêmes aux conséquences de nos actes. C'est la différence que nous avons avec l'animal, qui, Dieu sait, est intelligent, sensible, a de la mémoire et tout ce que vous voulez, mais il n'a pas cette conscience de ses actes et de se dire jusqu'où il va trop loin. Donc là, je m'y oppose totalement. Mais c'est maintenant. C'est maintenant parce que vous avez affaire à quand même un système extrêmement dangereux où vous mélangez la finance, le militaire, et l'art. Regardez la Californie, c'est la DARPA, l'agence de défense américaine, qui finance à millions de dollars les Google, les Apple et les startups de la Silicon Valley pour dominer le monde au point de vue de l'intelligence artificielle, notamment du hacking, car la guerre demain ce sera ça. Vous avez Hollywood qui n'arrête pas de vous injecter des films de science-fiction pour vous faire rentrer dans la tête que ce sera comme ça demain. On est dans une machine extraordinairement puissante qui cherche à nous faire entrer dans ce système. Moi, je m'y refuse. Justement, est-ce que nos cerveaux seront capables de réagir, sachant qu'ils sont eux-mêmes irrigués par toutes sortes de forces qui voudraient leur faire accepter tout cela ? Si nous ne sommes pas capables de réagir, c'est la fin de l'humanité, pour moi. C'est la fin de l'humanité. Nous allons devenir... Qu'allons-nous devenir ? Il n'y aura plus... Je répète, nous n'avons pas parlé une seconde d'amour, si, tous les deux, un tout petit si, peu, si, mais... Allez-y. Tous les deux, mais nous, voilà, tout ce qui m'intéresse, ce n'est pas, je répète, d'être plus intelligent, de courir plus vite, de porter 300 kilos et de faire du 100 km/h tout en étant capable d'aller calculer des nombres infinis. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être en face de l'autre et de répondre à sa demande et d'être en empathie permanente. C'est ça qui c'est ce qui me fait vivre. Alors pour cela, j'ai besoin de la science pour que la personne qui est en face de moi soit le moins traumatisée possible. Et donc, oui à la réparation, oui à tous les outils pour réparer l'homme, non pour moi aux outils pour augmenter. Mais est-ce que les outils ne sont pas les mêmes ? Oui. Ceux qui réparent et ceux qui augmentent. Ce sont les mêmes, exactement, on est bien d'accord. Est-ce qu'on pourra résister à la tentation d'augmenter ? Mais c'est à nous. Est-ce que nous sommes assez grands ? On pourrait avoir aussi la tentation d'être dans une permanence de jouissance inimaginable, avec des électrodes qui nous seront là, nous feraient des gris-gris partout, et on sera dans un délire de jouir. Mais non. Il y a des moments où on a besoin de recul, on a besoin de silence, on a besoin d'être hors du monde. Les religieux ne sont pas fous quand ils se cloîtrent. C'est un sens énorme qu'on a oublié. On a besoin de se retirer du monde, sinon on part dans la folie. Moi, je ne veux surtout pas de ça. C'est le danger, c'est la menace que nous avons là. Je pense que nous serons capables d'y résister si on en parle. On n'en parle pas assez. Ce sujet n'est pas encore entré dans les conversations en France, pas vraiment. Vous pensez que c'est un sujet politique ? Ah, totalement politique. Totalement politique. Je pense que nous irons demain, un peu comme il y a eu la COP, avec tous les défauts de qu'elle a et le non-respect des plus grands des pays. Mais nous irons à une prise de conscience mondiale, c'est ce que j'appelle le panhumanisme numérique, une prise de conscience mondiale qui permettra peut-être de quand décider même... décider de ce qu'on veut faire. Exactement, comme on a eu pour l'énergie atomique, ce traité de non-prolifération. Je pense que... Parce qu'il n'y a pas des effets de culture qui sont très forts. On parlait des Japonais. Si. Est-ce que le rapport à ces choses... vu par un Japonais, n'est pas très différent d'une autre, au point qu'un consensus serait difficile à envisager. Alors, les visions sont très différentes, notamment le Chinois, qui, lui, a une vision très cosmologique de l'homme. Quand vous regardez un tableau chinois, vous avez d'énormes montagnes, des arbres tout en haut avec des nuages, et puis une rivière très tumultueuse, au milieu une petite barque noire avec un tout petit bonhomme avec son chapeau triangulaire, vous ne voyez même pas le visage. Il est paumé, perdu, enfin il n'est pas perdu, il est dans le cosmos. L'individu en Chine n'existe pas. On le sait. Les droits de l'homme, c'est, vous pouvez leur poser, ils tendent l'oreille, ça, parce que c'est, je suis même pas sûr que le nom homme existe véritablement. Bon, très bien. Mais nous allons apprendre de, la tradition indienne est aussi passionnante. Nous allons apprendre de, c'est ça. Je ne veux pas du tout de fusion culturelle. Je veux que les cultures s'échangent. Ils garderont leur culture, nous garderons les nôtres. Nous garderons ce qui est local, mais qu'il y ait dans une espèce de globalisation sur quelques principes. J'en suis convaincu et c'est un travail de fond à faire. De part et d'autre de la planète. Moi, je suis là-dessus très optimiste. À condition, mon rêve est de lancer une World Consultation on Human Being, une consultation sur l'être humain, une consultation mondiale, et avec qui, Facebook. Et qui allez-vous inviter ? Eh bien, je poserai 10 questions. J'ai commencé à les travailler avec des philosophes et des scientifiques, et j'ai commencé à les travailler, et on les enverrait par Facebook. Alors, Facebook, c'est quand même 2 milliards de gens connectés. Bien sûr, ce n'est pas toute la Terre, et ça fait moins du tiers. Mais c'est déjà énorme. Et pendant une semaine, réponse et voir ce que ça donnerait. Ça serait très, très intéressant de voir quelles sont les réactions. Quelle est la première question, par exemple ? Les questions, c'est sur est-ce que les robots vous inquiètent ? Pensez-vous que l'intelligence artificielle va nous dominer ? Des questions comme ça. Et que pensez-vous de votre humanité ? Et on verra bien les différences de culture, mais je suis sûr qu'on retrouvera des fondamentaux. Car quand vous regardez les grandes philosophies, les grandes religions, vous vous retrouvez sur un certain nombre d'axes qui sont invariants, qui sont ceux de l'humanité profonde. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, en exergue de votre livre, je le rappelais tout à l'heure, vous avez cité Günther Anders. Je voudrais vous interroger sur votre expérience de chirurgien, vous manipulez des robots, vous l'avez expliqué, qui ont des capacités supérieures à celles que les humains peuvent avoir par leurs propres moyens. Et Günther Anders a écrit un texte en 1956 dans lequel il parle de la honte prométhéenne, qu'il définit comme étant la honte qui s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. Autrement dit, nous fabriquons des objets qui, d'une certaine façon, nous ridiculisent, ont des performances bien meilleures que les nôtres. Est-ce que, en tant que chirurgien, vous sentez cette honte? Vous éprouvez cette honte? Alors non, parce que je reviens à ce que je vous disais, je suis dépossédé, effectivement, de mon savoir-faire, en partie. La machine est en train de faire de mieux en mieux. Aujourd'hui, je télémanipule. Demain, ce sera la robotisation complète. Je n'aurai même plus à faire du tout de gestes opératoires. Donc, est-ce une honte pour moi? Non, je me situe autrement parce que dans mon métier, et je vous l'ai déjà dit, dans mon métier, ce qui est le plus passionnant, ce qui est le plus utile, c'est cette relation humaine. C'est d'embarquer le malade dans un voyage où il s'y retrouve, où il sait où il va, plutôt que d'être perdu parmi des annonces dans tous les sens. Il n'y a rien de pire quand on est malade que d'aller sur Google pour regarder ce qui se passe. Vous avez des forums atroces. Même quand on n'est pas malade. Mais même quand on n'est pas malade, ça vous rend malade. Parce que vous avez toujours le pire. Hein. Ceux qui vont bien, en général, ne s'expriment pas trop. Et c'est insupportable, puisque vous avez des avis complètement diamétralement différents, parce que vous ne connaissez pas la personne. Un médecin, quand vous voyez la personne en face de vous, ne serait-ce qu'en ouvrant la porte, la fragilité avec laquelle la personne va s'asseoir, le micro-tremblement, la voix, des détails, un signe de l'œil de ceci, vous dit si la personne est plus ou moins fragile. Vous la sentez, vous la vivez. Et c'est pas par Internet qu'on le sent, ça. Même avec un Snapchat ou un Instagram et la petite photo, le selfie, que je déteste prodigieusement parce que je trouve ça absurde de s'envoyer ces petites images. Nous sommes dans l'anti-relation. Nous allons, dans un monde de plus en plus globalisé, de plus en plus numérisé, le local et le présentiel va revivre. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de quitter les écrans. Vous pensez que les relations interpersonnelles vont continuer d'être vivaces? Elles vont augmenter sous la pression, sous le besoin. Je parle de relations directes, oui, non médiées par le numérique. Absolument. La relation directe non médiée par le numérique va augmenter parce que nous en avons assez de plus en plus d'être devant des écrans. Vous savez que la violence aux États-Unis a été très analysée, des tout petits, des très jeunes, a été analysée par des neuroscientifiques qui ont montré que c'est parce qu'ils étaient des heures par jour devant des écrans. Et même en échangeant avec des visages sur écran, ce n'est pas de la relation. Il y a un manque. Et ce manque, vous le transformez en agressivité brutale comme on n'a jamais connu auparavant. Donc oui, nous allons retrouver par le local, nous allons retrouver, et par le présentiel, cette capacité d'échanger entre les hommes, bien au-delà de l'outil numérique, qui n'est qu'un outil. Il ne nous dominera pas, ou alors sinon il faut se prendre une balle, un fusil, et puis se tirer une balle. Mais je ne le crois pas. Je pense que nous avons les ressources pour justement contrôler les outils que nous avons créés afin qu'ils ne nous dépassent pas en termes de rapport humain, simplement. C'est en termes d'échange, en termes de... Mais ils nous dépassent en termes d'efficacité, ah oui, très en termes de puissance. Oui. Et alors comment est-ce qu'on pourrait les limiter dans ce champ en évitant qu'ils viennent contaminer les rapports humains directs? Vous savez, c'est un peu comme le vieux sage. Le vieux sage, il est incapable de courir vite, probablement. Il est là, sous son arbre, et il écoute, il entend, et tout le monde vient le voir. Hein. Tout le monde vient le voir. Et nous, on est là avec nos voitures, avec nos avions, avec nos hyperloops et nos fusées SpaceX. Très bien. Je veux bien. Non, mais Elon Musk a raison qu'on aille sur Mars. Moi, je suis tout à fait d'accord. Allons chercher, allons comprendre. Et ensuite, on se retrouvera toujours sous l'arbre, sous le kéké, avec celui qui sait, celui qui écoute, celui qui échange et celui qui relie. Nous sommes des êtres de relation, nous ne sommes que ça. Et reliés, mais pas connectés. Non, reliés, tout sauf connectés, exactement. Mais vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine, je l'ai rappelé. Est-ce que ces débats ont lieu dans votre enceinte et est-ce qu'il y a des fortes tensions quand ces questions sont abordées? Alors, ces entre débats, les technophiles, non, et oui, les technophobes. Oui, ces débats ont en partie lieu parce que nous invitons régulièrement des personnalités extérieures pour venir nous exposer leur point de vue. Mais c'est vrai que vous avez là encore, comme dans toute société, les anciens et les modernes, ceux qui pensent que tout est mal, que notamment la chirurgie avant c'était beaucoup mieux et que le robot c'est une dénaturation du geste. Ça existe encore, ça. Ah oui, il y en a encore quelques-uns qui pensent ça. Alors la jeune génération, elle est complètement acquise. Quand vous faites opérer un jeune interne, vous lui faites faire un peu de chirurgie ouverte pour qu'il le sache, puis vous faites ça sur des sujets anatomiques et en enseignement, puis ensuite la chirurgie avec les petits tubes sans ouvrir, puis après ça vous passez au robot, le jeune vous dit, mais monsieur, c'est le robot direct, quoi, j'ai pas besoin de faire le reste. Donc on voit bien qu'il y a une intégration extrêmement rapide de ces outils par les jeunes et que les générations passées sont plus résistantes à ces progrès. Voilà, bon, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, ça ne me gêne pas, le temps fait les choses, il le fait en général très bien. On a peu parlé des big data, enfin du big data, parce que je crois qu'on le dit au singulier, le big data. Oui. Est-ce que ça touche aussi la médecine, le fait qu'on accumule des données sur tous les cas déjà enregistrés et à partir de cela, on identifie des corrélations quel est le regard du médecin, alors, du généraliste est-ce qu'il va avoir son autonomie? Non, mais le généraliste va être aidé par l'ordinateur qui sera à côté de lui. Dans la mesure où, effectivement, la machine sera capable d'aller chercher des diagnostics extrêmement rares auxquels on ne pense pas. Et ensuite, de proposer les bons traitements en fonction d'un nombre d'items considérables que nous ne pouvons pas intégrer nous-mêmes. Mais je resterai, là encore, celui qui voit la personne, qui la connaît dans tout son environnement, qui la touche, qui la palpe, qui peut lui dire des choses, des mots, qui peut lui parler d'amitié, de relation, de je te tiendrai la main. Ça paraît idiot, mais c'est des choses énormes. Nous sommes faits pour cela. Nous sommes les êtres les plus relationnels du monde. Nous avons des neurones miroirs qui nous font nous échanger. Et donc, les big data, je les accueille. Ils vont me remplacer, là encore, en partie. Je fonctionne comme un ordinateur. Quand je fais un diagnostic, je vais chercher des éléments, j'en élimine d'autres. Je fonctionne en algorithme. Avec l'empathie en plus. Avec l'empathie en plus, mais je fonctionne comme un algorithme. Et donc, si j'ai un algorithme plus puissant, je serai dépossédé. Ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui fait qui fait la beauté et qui fait ma vocation. Ma vocation, c'est de rassurer, c'est de soulager, voire de guérir de temps en temps, avec tous les outils possibles, les plus sophistiqués, les plus puissants du monde. Je n'ai aucun état d'âme, mais ne me demandez pas de me retrouver Guy Valencien, capable de, je le répète, de porter 300 kilos, de faire 100 km à l'heure et de pouvoir calculer plus vite que je ne le fais aujourd'hui. Ça sera le mot de la fin, Guy Valencien. Je vous remercie d'être venu nous voir. C'était un plaisir de discuter avec vous. Je recommande la lecture de votre livre Homo Artificialis. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Stéphane Desmond et à la réalisation François Connac. C'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.